tel qu'on le voit, l'échiquier du monde est complexe. Chaque jour est un combat dans ce contexte. Le constat, c'est l'adaptation à chaque cas de figure. Comme l'eau, l'infiltration dans chaque fissure. Pour former un torrent qui arrache la moisissure. Et souligner la supercherie de pas mal d'investitures. On appelle ça une verbale insurrection. La stratégie d'un pion. Je reste basique, oui. Feuille blanche et stupide. Silencieux et subversif. Cherche pas l'éternel dans tout ce qui s'indique. Je suis colistique, comme tous j'entends les siens. Un plus du banc de pierre, à l'abri de fer qui traque les pertes des secs du mat. Rien à battre, comme d'hab, ni flingue ni batte. Fidèle au pacte, le doigt toujours dans nos packs. Sans briquer le fauteuil du monarque, y'a pas de laurier, ni de place dans les musées. Pour ce dont je narre, Léo fait d'armes, coureur de fond, en guerre contre le sablier. C'est peut-être que blanc que du papier, je vais peut-être en train de m'égosiller. Enfin, mais l'effort n'est jamais. Ça, je l'ai vérifié, donc je récidive. Même ligne, même directive. L'amour des miens en bouclier, et ma musique tatouée sur les tripes. C'est le prix de mon privilège. À chaque flèche, mon fardeau s'allège. Et pour que l'orage s'apaise, faut que je libère cette rage qui me ronge. Plus que à souhait, je maintiens mon art belliqueux. Fonction première, tire les choses quitte à déplaire. Tant que j'ai l'aval de mes pères, moi je suis qu'un rescapé, un ex-prisonnier du camp des oubliés. Je peux pas acheter ça aux oubliettes. Mon flé me le pardonnerait jamais. Rime et son sont déployés, prêts à pirroyer. Regarde le partage, tu verras rien briller. Par contre, le sablier, j'aurais pu mettre plus de string que de sens dans mes écrits. Mais le cœur commande à la main, chaque heure mon âme l'écrit. Loin de ce brouillard, mon regard s'étend jusqu'à l'infini. Scrutant le quotidien, je vis donc je vois donc je dis. Le rêve est interdit, les perspectives merdiques. Nos plans grandissent dans cette terre où mentir est permis. Ce sont nos instants de vie, des actions instinctives. Drôle de dialogue laissant une part énorme à l'invective. J'ai une vie que pour les miens, et pour leur protection je dénude mon cœur. Marque suprême de ma profonde affection, la stratégie d'un pion. La tragédie d'un lion qui se couche dans le buisson épineux. Cerné par les fusils blessés au flanc, chante ma musique. Grand son genre abusif, ouais c'est pour ceux qui n'ont pas eu de chance. Et turbine à l'usine, je joue la série A. C'est vrai quoi, qu'est-ce qu'il y a? Entendez ça et percevez-le comme un prélude à la guérilla. Pour tous ceux qui survivent, les mères musulmanes ou juives, qui ne rêvent pas de pouvoir mais uniquement de vivre libre. Pour les gens qui écrivent et tristes, qui les privent. Les âmes nobles qui bravent l'éternité sur le glacis des livres. Tous ceux sans affection, les gens sans aversion, qui gardent l'histoire si un furieux en déforme la version. Une stratégie limpide, non pas l'apologie du vide. Je parle de sincérité dédiée à ceux sur qui le mal incide. J'aurais pu mettre plus de string que de sens dans mes écrits. Mais le cœur commande à la main, chaque heure mon âme l'écrit. Loin de ce brouillard, mon regard s'étend jusqu'à l'infini. Scrutant le quotidien, je vis donc je vois donc je dis. J'ai toujours marché avec mon instinct et pas le baisement. Pas grandi dans le commun, surtout loin de mon pas clair. Mon casse-grain reste ma passion gamin. Ma raison ma fin, la fin je la vaux pas. Disons que c'est du freestyle. On s'en parlait. Et puisque pisseux dans ce pis, on doit rendre compte hein. Et tiens le mien, celui de mes frères qui tient dans une main. Dans ce job je fais pas de manique et de naïf. De la merde chez nous on connaît le tarif. Le bonheur est rare, donc que peu de gens kiffent. Normal, on n'a jamais eu le temps de voir que l'amour c'est la vie. Car le temps n'épargne pas ce qui se fait sans lui. Alors j'avance tel un pion pour braver le temps, graver le temps. Mon son, mon clan avec mes tripes sans stratégie en temps. Plus basé que moi tu meurs, tous mes airs sans frasseur. La frénésie, y'a que ça qui me pousse trop. J'suis fait pour les défis, comme la plupart des miens. On doit faire toujours un peu plus. Ceux qui en peuvent plus ont dû sûrement trouver d'autres astuces. J'en veux à personne dans ce pas monde. Chacun doit trouver son chemin, sa direction. J'écris pour ceux qui respectent cette position. À partir de là je fais ma vie. Après à toi de faire la transition. La stratégie d'un pion qui lâchera pas ses feux. J'aurais pu mettre plus de string que de sens dans mes écrits. Mais je reste un journaliste urbain. Chaque jour ma plume le crie. Loin de mon miroir leur regard s'étend jusqu'à l'infini. Chroniquant le quotidien, je vis donc je vois donc je dis. J'aurais pu mettre plus de string que de sens dans mes écrits. Mais le cœur commande à la main, chaque heure mon âme l'écrit. Loin de ce brouillard, mon regard s'étend jusqu'à l'infini. Scrutant le quotidien, je vis donc je vois donc je dis.